French in Action, Lesson 4. Leçon 4, Genèse. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Pour apprendre le français, nous allons inventer une histoire. Avec une jeune fille française, un jeune homme américain, des amis, des aventures, des voyages, ça va être un véritable roman. Un roman en collaboration, un roman collectif. Vous aimez les romans ? Oui. Enfin, ça dépend. Vous aimez les romans d'amour ? Bah non, je déteste ça. Qu'est-ce que vous aimez ? Vous aimez les romans d'aventure, les romans fantastiques, les romans d'anticipation ? Ah non, je n'aime pas ça. Vous préférez les romans policiers ? Oui. Et vous, mademoiselle, vous aimez les romans ? Non. Ah bon, vous n'aimez pas les romans ? Vous préférez le cinéma ? Oui. Moi aussi, je préfère le cinéma. Qu'est-ce que vous préférez ? Les films suédois, japonais ? Les comédies anglaises, italiennes ? Les comédies musicales américaines ? Vous n'aimez pas les comédies ? Moi non plus. Je préfère les tragédies, les drames. J'adore les histoires de crimes. Moi aussi. Est-ce qu'on va avoir un crime dans l'histoire ? Je ne sais pas. Peut-être. On va voir. Continuons l'invention de l'histoire. Voyons. Commençons par le jeune homme. Il est américain. Il arrive en France. Il est à l'aéroport. Il passe la police. Passeport. Allez-y, vous pouvez passer. Maintenant, il est à la douane avec deux autres jeunes gens, une jeune fille et un jeune homme. Vous êtes français tous les trois ? Non, mademoiselle et moi, nous sommes américains. Ah, vous parlez anglais ? Bien sûr, puisque nous sommes américains. Et vous, vous êtes américain aussi ? Non, eux, ils sont américains, mais moi, je suis brésilien. Vous n'avez rien à déclarer ? Non. Non. Non. C'est bon, passez. Vous pouvez passer, allez-y, allez-y. Passez. C'est vrai que tu es brésilien ? Oui, bien sûr, pourquoi pas ? Où vas-tu ? À la Stone Buster, à la maison brésilienne. Il y a une maison brésilienne à acheter ? Bien sûr, il y a une maison brésilienne pour les étudiants brésiliens. Une maison suédoise pour les Suédois. Une maison danoise pour les Danois. Une maison japonaise pour les Japonais. Une maison cambodgienne pour les Cambodgiens. Une maison canadienne pour les Canadiens. Une maison cubaine pour les Cubains. Et une maison américaine pour les Américains. Évidemment, c'est là que vous allez. Ouais. Et toi, tu vas à la maison américaine ? Non, moi je ne vais pas à la cité. Je vais au quartier latin. Vous prenez un taxi ? Non, le bus ou le train. Et toi ? Je prends un taxi. Salut.